Troublé par les propos d'Aricie sur l'injuste et criminelle colère que Thésée a manifestée envers son fils Hippolyte, Thésée se ressaisit et, pour en savoir plus, demande à revoir Œnone. Mais on lui apprend qu'Œnone vient de se noyer et que Phèdre veut mourir. Alors que Thésée supplie le dieu Neptune de retarder le châtiment d'Hippolyte qu'il lui a demandé, Théramène, gouverneur d'Hippolyte, vient lui apprendre qu'Hippolyte n'est plus.